Chapitre 6e. Le bois de Ville-d'Avray, l'un des plus charmants des environs de Paris, cher entre tous aux amoureux et aux rêveurs, n'a pas été trop ravagé pendant le siège. Quelques coupes déréglées ont été exécutées sur les versants sud et ouest. Le coteau que l'on voit du restaurant de la Chaumière a été rasé. Mais les allées ombreuses qui, des lacs, mènent à la crête de la montagne, mais les dessous de bois qui, au printemps, se transforment en tapis d'anémones blanches et de jacinthes bleues. Mais les fourrés de bruyères, mais les bois de châtaigniers sauvages aux fruits savoureux, tout cela a été respecté. L'on peut toujours aller rêver dans les bois de Ville-d'Avray, certain de faire une ample moisson de fleurs des champs et de retrouver chez Cabassus, cuisinier provençal, transplanté sur la route de Versailles, avec le menu habituel des restaurants, des cèpes exquis, des goujons délicats et un certain vin de Pertuis d'un noir d'ébène, velouté et babillard, un vrai casse-tête. Une des allées parallèles au vieux lac avait été choisie pour lieu de rendez-vous sur les indications de Sextus Bonenfant, qui, en sa qualité de provençal, connaissait heure par heure le degré d'ombre de tous les chemins qui aboutissent à la Chaumière. À 8 heures du matin, au mois de juillet, le soleil est déjà très haut sur l'horizon, mais par le jeu des ombres portées, cette allée présentait des avantages réels. Les adversaires, quelle que dût être leur place, ne seraient gênés ni par les rayons directs, ni par la réverbération. Les acteurs du drame qui allait se dénouer devaient être exacts au rendez-vous. Ils étaient arrivés à la gare Saint-Lazare pour le train de 7 heures. Se trouvant ensemble dans la salle d'attente, les deux groupes s'étaient salués. Les voyageurs étaient peu nombreux à 7 heures matinale. Il leur fut facile de se placer dans des compartiments séparés et de dissimuler les boîtes de pistolets. La situation pouvait devenir plus délicate à la station de Ville-d'Avray. Il faut encore une demi-heure pour arriver à la clairière du combat. Plusieurs chemins y conduisent, mais la grande route du village est la seule praticable dans des circonstances graves, alors que l'on a intérêt à ne pas laisser supposer que l'on évite des adversaires. Il n'y a là ni forfanterie ni provocation, c'est une affaire d'amour-propre et de convenance. Les deux groupes avaient cru de leur dignité de s'enfermer dans des wagons de première classe, malgré la chaleur et bien qu'à part soi, chaque voyageur aspira à l'impérial, où le vent produit par la marche du train donne toujours une agréable température. La question du voyage en commun de la gare au lac fut agitée dans chaque camp dès le départ. Sextius, l'homme aux expédients, laissait ses compagnons se livrer à leur combinaison. Il souriait, et on aurait pu l'entendre grommeler. Toujours les préséances. Les individus comme les souverains passent leur temps à discuter pour savoir à quelle sauce ils seront croqués. Allez donc droit devant vous, c'est le meilleur moyen pour n'être pas croqué du tout. Au moment où le train arrivait en gare de Ville-d'Avray, « Ne bougez pas !» dit-il, et il mit la tête à la portière. À 3 compartiments plus loin, le gros Robert en avait fait autant. « Vous pouvez descendre !» lui cria le Provençal. « Nous prendrons par le raccourci de Viroflay. » « Que dites-vous » protestèrent Julien, Arnold Barthes et le docteur qu'ils avaient amené. « Je dis, la ligne courbe est le plus court chemin de la gare de la Ville-d'Avray au lac du même nom. » « Quel incorrigible bavard !» ne put s'empêcher de dire Julien. « Té !» répliqua Bonenfant. « Je n'ai pas dit un mot pendant que vous discutailliez sur des niaiseries. Il vous était désagréable de faire route avec ces messieurs. Il fallait tout de suite me dire « Papa Bonenfant, tirez-nous de là !»« Moi, qui suis un bon diable, je vous aurais appris que j'ai prévu le cas. Regardez vos tickets !» Les 3 personnages retirèrent le morceau de carton qu'ils avaient mis dans leur poche de confiance. « Viroflay ?» s'écrièrent-ils. « Eh bien ?» interrogea Sextius, dont les yeux se plissaient malicieusement. « Nous ne comprenons pas. » lui fut-il répondu. « Allez toujours, » conclut-il, « vous comprendrez tout à l'heure. » En quelques minutes, le train fut à Viroflay. Les voyageurs descendirent. Guidés par Bonenfant, ils suivirent l'avenue qui, passant sous le pont du chemin de fer, va directement en plein bois. 10 minutes plus tard, ils arrivaient premiers au lieu du rendez-vous. « Comprenez-vous maintenant ?» dit Sextius, qui rayonnait. « Ah !» firent ses compagnons. « Que vous disais-je ? » insista Sextius. « Les Français sont, en géographie, ignorants comme des carpes. » L'excellent homme ne soupçonnait pas que son observation allait être justifiée et considérablement élargie par la plus désastreuse des guerres. En ce moment, il s'était simplement préparé un petit succès et des compliments dont il était friand autant qu'une grande coquette. Si j'avais prévu que ces messieurs nous feraient attendre aussi longtemps, je vous aurais fait passer par le chemin des écoliers, des bruyères, veux-je dire, bien plus agréablement accidenté que celui-là. Ce sera pour une autre fois. De fait, ils furent obligés d'attendre un bon quart d'heure. Non seulement la montée de Ville-d'Avray est longue et pénible, mais encore les voyageurs n'avaient pas trouvé à la gare l'omnibus qui fait habituellement le service. Le grand Robert soufflait de toute la force de ses vastes poumons. Il était en âge et paraissait d'exécrable humeur. Il la manifesta par sa mine piteuse en arrivant auprès des témoins de Julien. « Voilà ce que c'est de ne pas connaître la géographie, » dit s'excuse bon enfant, tenace dans ses plaisanteries. Cependant, il reprit aussitôt son sérieux pour régler les dernières conditions du duel. Les adversaires furent placés à 35 pas. Ils avaient le droit de faire 10 pas chacun et de tirer à volonté. Tout était prêt. Le signal allait être donné quand Sextius, d'une voix forte et la main tendue vers les fourrés du bois, « Un instant » s'écria-t-il, « nous ne sommes plus seuls !» Puis il s'avança d'un pas rapide et résolu. Adversaires, témoins et médecins suivaient des yeux Sextius Bonenfant, ne sachant s'il s'agissait d'un garde forestier, de gendarme ou d'un simple flâneur. Leur étonnement fut à son comble quand ils virent le pétulant provençal s'arrêter net, lever les bras au ciel et qu'ils l'entendirent lancer un formidable juron.